15 minutes quand même. De nouveau, peut-être, de ce côté-ci de la barre. Ouais, mais ça, on s'en fout, en fait. Je critique souvent les saxes parce que je peux pas m'empêcher, mais là t'étais t'avais enfin c'était super. T'as, je sais pas comment dire, pour le coup le timing était super bon et en plus tu l'as gardé, tu l'as pas perdu jusqu'à la fin. Mais c'était dur comme choix à faire. Voilà, parce que je me dis, si j'arrête de jouer comme ça, ça tout va se casser la gueule. Exactement, mais t'as beaucoup de continuer ou pas. T'as tout compris, c'est absolument vrai. Si tu t'étais arrêté aussi, mais si t'avais joué plus ou je sais pas quoi, ou même moins fort, tu vois, là c'était très bien que tu joues à la fois fort, clairement, et à chaque fois des entrées, des sorties, c'était un repère dans tout le morceau qui était très important. Et du coup, ça ouvre aussi, au niveau des modes de jeu, ça ouvre sur plein de solutions, plein de choses, parce que tu peux te permettre, quand tu commences à jouer comme ça, tu peux te permettre des trucs vraiment invraisemblables. Tu peux presque faire n'importe quoi, si tu veux. Tenter des choses qui vont... Tu es sûr que ça va rater, c'est pas grave, parce que tu sais que tu vas rentrer, que tu vas sortir. Et ce qui compte, c'est comme un gribouillis dans le vide, quoi, tu vois. Et ça, c'est vachement bien. Ou des notes tac qui arrivent. C'est ça que j'ai essayé d'être super clair sur les entrées. Ouais, et, ouais. Et du coup, ils se sont appuyés sur toi. Toi, ça donne une échelle de temps, ça donne. Voilà. Je trouvais que ça sonnait. Le machin truc. Le machin truc fun. Pas au fun. Merci. Merci. Attends, je suis sourde. Ça donne comme des tapis. Ouais, mais c'est un tapis. C'est un tapis qui n'est pas tout le temps là. C'est un tapis qui a des trous. Et les trous étaient super. Les trous étaient vachement bien. Le tapis est presque plus important par les trous qui. Tu vois, oui, parce qu'elle ne restait pas dans un. Oui. Elle permettait. Oui, il y avait des espaces en fermeture. Il y avait de l'espace. Oui. Par exemple, le début, tu étais au centre et que Anna te file le micro et tout ça, ça c'était à la fois clair et intéressant par rapport à ce qui se passait. Après, quand tu es parti là-bas, moi j'ai toujours un problème avec ce genre de choses parce qu'on ne sait pas trop si tu le fais pour toi ou pour nous. Ça c'est plus c'est un avis très personnel. Hein. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais c'est presque une question que j'ai envie de te poser. Quoi. C'est-à-dire, je trouve que l'action, même si elle n'est pas sonore, là, comme c'était au centre et que ça se posait là, on ne se posait pas de questions et il fallait qu'on t'intègre dans ce qui se passait. Alors, quand tu te décentres et que tu fais un truc assez bizarre autour de la batterie, qui ne rentre pas dans le champ sonore, pas réellement, on va dire, je me pose plein de questions. Peut-être c'est positif, hein, j'en sais rien. Mais j'aurais préféré que ça soit plus revendiqué, plus présent en fait, tant qu'à faire. Et par contre, le fait de passer, je trouve que tu l'as bien fait, et c'est pas facile, comment tu t'es passé du geste à faire quelque chose avec le micro, et comment c'est arrivé, d'ailleurs ça a eu une influence assez forte sur la forme du truc. Ça c'était bien, mais je trouve que ça aurait mérité d'exister plus dans l'espace et même dans le son aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah ouais, j'aurais aimé que ça fasse plus de bruit en fait, mais... Ah, c'est vrai que du coup, moi je l'entendais, mais j'imagine évidemment que vous l'entendiez moins en plus avec le son là. Mais l'idée, oui, c'était de faire du bruit avec un truc que... Un truc de qu'on se casse la gueule, on me casse la gueule dessus, que ça fasse du son. Voilà, en fait, je crois que c'est tout. Comme quelqu'un qui bricole dans un coin, quelque chose comme ça. Ouais, voilà, mais je voulais pas forcément que ce soit central, mais je voulais que le son rentre quand même dans la musique, quoi. C'était beaucoup plus faible que les restes. Ouais. On pouvait t'oublier, quoi. C'est ça que je voulais dire, toi. Mm. On pouvait là concentrer, dire ah oui, au fait, elle en est où. Sauf qu'on a eu une sorte de solo, quoi. Il y a un micro. Oui. Mais je trouve que comme on est dans un contexte musical, quand il y a quelque chose de purement performatif, même si tu penses que le son, il peut... ça, c'est intéressant. Je pense qu'il faut, pas, il faut faire attention à comment ça existe dans l'espace et comment ça existe, tu vois. C'est vrai que... Le début, c'est un bon exemple, tu vois, le début, tu fais un truc très simple avec les chaussures et tout ça. Et ça existe. Ça... Je dis pas c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est là, quoi, tu vois. En même temps, ça tombe en même temps que tu disais le texte, je sais pas, quand on marchait dans un trou, c'était quelque chose d'assez abscons et difficile à... Enfin, il fallait vraiment l'écouter plusieurs fois pour comprendre ce que le texte voulait dire. Et d'avoir tourné en rond, en plus, à essayer de faire le tour de la batterie, moitié coincé entre le dos et le truc. Du coup, c'est vrai que c'était pas... Le son était difficile à capter, mais ça obligeait, finalement, ça attirait l'attention quelque part. Et ça attirait l'attention sur le son. Ça conseillait écouter ce que tu étais en train de faire. Je trouve. Quelque part, ça marche. Oui, quand tu mets le regard là, tout de suite, ça s'amplifie. Elle est en train de faire quelque chose de curieux. Du coup, on la regarde, on l'écoute, ouais. Et elle dans son coin, ça va faire son truc. Et en plus, surtout par les marges que tu fais, tes marges dans un trou. Dans ton trou, tu vois. Alors, c'est un peu ça. Donc, ça c'est marrant. C'est...